J'ai rien contre les évolutionnistes. C'est sûr qu'on va vers le complexe. Suffit de regarder sur la liste pour voir que le futur c'est mieux que l'ex. Maria Callas à Céline Dion, la chèvre à Pamela Anderson, Joséphine Baker à Britney, les poumons ont vachement gonflé. De Paul Naref à Obispo, du Mine Marceau à Étienne Dao, la vache qu'est-ce qu'on a évolué, de Jean-Jacques Debout à Julien Courbet. Je sais bien que l'homme descend de la poubelle, mais tant de progrès ça me rend perplexe, comme un cyclope devant une paire de jumelles, un torero devant des cornflakes. De la cueillette aux OGM, de la case bambou au HLM, même la psycho ça évolue, de Freud et Lacan à Delarue. Avant on soignait les descentes d'organes, maintenant c'est l'inverse, sans opération. Suffit d'avoir eu le cul national comme Brigitte pour que ça te monte au front. Du charabeu à la Lada, du silex à Hiroshima, la sarbacane au lance-roquette, c'est pas étonnant qu'on se la pète. J'sais bien que l'homme vole plus haut que la taupe, mais tant de progrès ça me rend perplexe, comme babar devant des trompes de Fallope, un spermatozoïde devant un Kleenex. De Landru jusqu'à Marc Dutroux, de la massue à la chaise électrique, et du skinhead au parapoule, passé on lui a fait la nique. De la Guenon à la reine d'Angleterre, du gorille à Schwarzenegger, d'Arsène Lupin à Jacques Chirac, y a même de la croissance dans l'arnaque. Coluche et des proches à Arthur, Zitron à Charlie et Lulu, la vache qu'est-ce qu'on a évolué, du protozoaire à Coé. J'sais bien que l'homme descend du Yeti, mais tant de progrès ça me rend perplexe, comme un nudiste devant une chemise de nuit, Jean-Claude Van Damme devant un néocortex, pour voir de la donne sur des brochettes, t'as même plus besoin de ton barbecue, suffit de tripoter ta zapette samedi minuit devant Canal+. Des fois même entre deux matchs de foot, on te donne l'opinion sans intérêt, de crétins dont t'as rien à foutre, sur des trucs dont t'as rien à branler. Des chiottes à la turque à la foire du trône, du sac de billes à la PlayStation, la vache qu'est-ce qu'on a évolué, c'est sûr Darwin s'était pas planté. C'est bien que l'homme descend pas, il remonte, mais tant de progrès, y'a de quoi te rendre fou, comme un mouton frileux le jour de la tonte, Jésus ressuscitant porte de Saint-Cloud, un SDF devant un magasin de meubles, un poumon d'acier devant un paquet de clopes, un exhibitionniste devant une aveugle, un gynéco devant la Sainte Vierge en clope.